Tout le monde va bien? Merci pour la pochette aussi, j'ai besoin de votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça va, Blues Café? Ça se passe comme ça, un Blues Café live. Merci beaucoup, les amis. One, two, time to party. Three, time to party. Four. Bonsoir à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour la dernière émission de la saison. Vous êtes bien dans le Blues Café en live et en public. L'ambiance de folie ce soir. Et ce soir, Francis, c'est un groupe volcanique qui va rentrer en éruption sur la scène du Blues Café. Ah, tu dis bien les mots en effet, Cédric, puisqu'ils viennent du pays des volcans d'Auvergne et sont devenus quand même, en peu de temps, l'une des formations majeures du blues en France. On les voit presque partout. Ils aimeraient certainement qu'on les voit encore plus partout. Voici sur la scène du Blues Café Aurélien Moreau, guitare et chant. Éric Courrier à la basse. Frédéric Canifin au clavier. Miguel Pereira à la batterie et percussion. Je vous demande d'applaudir Aurélien Moreau and the Checkers. Bonsoir à tous. Thank you. s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ce morceau s'appelle Dirty Pool. J'ai trop pris ce qu'on a. So good, my life is away here. I sing in the blues, but my whole car is very fancy, baby. My life is standing so sexy, good like a baby. Rally to sound, really, really losing my soul. Stopping to drink a beer, she look at me and whisper, "Win, want some company?" Yeah. She hungry, my heart that is stretching. For the great load, I got my 76 ring. Round into town, round and round, losing my soul. Hollywood. you're black, the whole man in my back. It's okay for you if you never come back. In return, all my kindness and your good tune. The day will come on the last road blues. Round into sound, round and round and losing my soul. Yeah, round into sound, round and round and losing my soul. Round into sound, round and round and losing my soul. Vous êtes bien dans le Blues Café Live. Merci beaucoup. Aurélien Moreau. Et ce soir, notre invité dans le Blues Café, Aurélien Moreau and the Shakers. L'album s'appelle Shake It Out. On va demander à Aurélien Moreau de nous rejoindre ici sur le plateau du Blues Café. C'est comme ça, le Blues Café, on joue et puis après on torture et après on rejoue. Justement, alors tu vas prendre le micro tout de même et tu le rapproches bien de toi. Bien sûr. Ouais. Justement, parfois les musiciens, ils nous disent c'est une expérience un peu particulière de jouer deux titres, puis d'arrêter, de venir parler. Et certains disent, c'est drôle, Benoît Blue Boy était écroulé de ce système-là. On n'a pas le temps de se mettre parfois dans le jeu, non ? Comment ça se passe aussi pour toi ? Disons qu'on va voir la suite, on va voir si on arrive à recommencer. Ouais, bah t'as intérêt. Je plaisante. Non, mais c'est vrai que c'est un exercice un peu particulier, quoi. Mais ouais, c'est sympa. Bon, on va voir comment on part. T'es qu'au début. Ouais, on va voir à la fin. On va te reposer la même question au bout d'une heure. Check It Out, c'est le nom de cet album. Aurélien Moreau and the Shakers. On en entend beaucoup parler de ce groupe depuis un an. Ouais. Je dis depuis un an parce que finalement l'aventure est assez récente. Ouais, c'est assez récent. Ouais, le groupe, ça fait à peu près 3 ans qu'il existe. Et effectivement, on a fait. C'est les tremplins en fait qui nous ont un petit peu propulsés. Pour jouer un petit peu plus, quoi. Notamment le tremplin de Cahors, en fait, où t'étais d'ailleurs, je crois. Oui, bien sûr. Oui, t'es partout, de toute façon. Mais ils sont plusieurs, en fait. Et du coup, on avait remporté tous les prix, donc ça nous a permis de continuer un peu l'aventure, quoi. Et c'est depuis ce temps-là aussi qu'on joue beaucoup plus, quoi. C'est vrai. Mais justement, tu parles de tremplin. Alors, tu parlais du tremplin de blues de Cahors, mais il paraît que vous êtes les bêtes noires, justement, des tremplins. Parce que vous les gagnez presque tous. D'ailleurs, à Cahors, c'est assez étonnant parce que vous avez raflé tous les prix. Oui. Mais il n'y a pas que, puisqu'il y a Blues sur scène. Blues sur scène, on a été sélectionné, mais on n'a pas gagné. Oui, mais déjà, il faut être sélectionné. Ah oui, c'est déjà super. Parce qu'à chaque fois, il y a 80-90 groupes qui candidatent. Hein. Oui, il y a les rendez-vous de l'herbe à Nantes aussi. Voilà, tout à fait. Ouais. Et puis, il y en a peut-être d'autres. Enfin, vous avez tout raflé. Qu'est-ce que ça vous rapporte, justement, ces tremplins ? Et en fait, justement, même quand on gagne pas, je trouve que rien que le fait d'être représenté, on a déjà gagné quelque part, quoi. Tous les groupes finalement qui participent à la finale, quelque part ils ont gagné parce qu'on rencontre les acteurs du blues en France, comme vous, comme plein de gens, et donc du coup après ils nous ont vus une fois, puis ils nous connaissent un peu, et puis des fois ils pensent à nous. D'ailleurs, en très peu de temps, vous êtes vraiment ici au niveau des meilleures formations de blues hexagonales. On vous voit beaucoup dans la presse blues, dans la presse spécialisée. Cette année, ouais. Comment est-ce que tu expliques cette réussite, cette ascension assez fulgurante dans le milieu blues en France ? Je pense que, on essaie de faire quand même un peu original. Alors là, sur deux morceaux, on a peut-être du mal un petit peu à se rendre compte de l'originalité, mais je j'explique comme ça, hein, je peux complètement me tromper. C'est assez moderne comme blues, ça reste un peu blues et ça change un petit peu, on a des compos qui sont un peu, qui sortent du blues traditionnel. Alors c'est un peu un parti pris et ça peut aussi ne pas du tout marcher, parce que des fois, le milieu blues peut être assez ferme, sur le blues, quoi. Et là, pour l'instant, on est un peu quand même à la limite et j'ai l'impression que ça plaît. Il y a une formule quand même qui est un peu particulière, parce que un pied à Chicago, un autre dans le Texas, le cœur en Auvergne, le fromage aussi, peut-être, j'en sais rien, en Auvergne. Et puis du groove quand même assez personnel, parce que c'est ça la recette, pas du fromage. Pas du fromage, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout de suite, c'est qu'on est quand même, dans le groupe, on est issu d'univers assez différent quand même. On a Eric Courrier, donc le bassiste, qui est très blues, lui. Miguel Pereira à la batterie, qui lui, à la base, était plus pop-funk. Moi, j'étais bien sûr blues à la guitare, mais des fois, je flirtais avec d'autres styles, quoi. Et puis Fred, qui est plus... donc Frédéric Canifet au clavier, qui est assez, finalement, jazz, même variété aussi. Et du coup, au tout début, la cohésion était un peu bizarre et chacun s'est rapproché du blues. Fred s'est mis à travailler un peu plus de blues au piano. Miguel, pareil, à la batterie. Et du coup, ça fait, je pense, un truc un peu différent qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude d'entendre. Au niveau des influences, je pense qu'il y a peut-être ça qui a joué. Oui, justement, ces influences majeures quand même, les tiennes par exemple. Ouais. Moi, à la base, c'est vrai que j'étais très blues texan. C'est vrai, à la base, très Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix. Enfin, c'est ce que j'ai écouté quand j'étais gamin, quoi. D'ailleurs, il y a une reprise de Jimi Hendrix sur l'album de Wind Cries Mary. Ouais. Mais bon, après, ça, c'était vraiment les premières influences. Quand on apprend à jouer de la guitare, c'est vrai qu'on passe forcément plus ou moins par ces grands guitaristes, quoi. Et après, on essaie d'évoluer en écoutant d'autres choses, en fait. Même hors du blues, et je trouve des fois, ça permet, pour composer, d'apporter des choses un peu nouvelles. Parce que dans tous les cas, c'est difficile de renouveler une musique comme le blues. Moi, je ne vais rien apporter. Les gens l'ont fait avant moi. Donc, c'est-à-dire qu'on est forcément obligé d'aller puiser dans d'autres influences, quoi. Et pour les rebluesifier un peu, quoi. Tu seras peut-être aussi la référence d'une génération qui va suivre. Ah bah bien sûr. Bien sûr, ça va de soi, évidemment. En tout cas, on va écouter quelqu'un qui lui aussi, justement, essaye de moderniser cette musique qu'est le blues. C'est Ellie Paperboy Reed. C'est dur à dire en fait. Hein. Ellie Paperboy et non pas Paperboard. Hein. Reed. Et l'album s'appelle My Way Home, et je crois qu'on a tous les deux bien kiffé cet album, comme disait Jean. Absolument, un album qui sort, qui est sorti au mois de juin dernier, donc en fait très récent, tout à fait récent. C'est un mélange de soul, de funk et un peu de rock aussi. C'est très énergique. On écoute Cut Ya Down et vous allez voir, c'est un titre qui a été repris plusieurs fois dans le monde du blues avec plein de noms différents. Certains l'ont appelé Run On, par exemple. Il y avait un groupe français, le quartet vocal, qui l'avait repris dans les années 90. Ellie Paperboy Reed avec Cut Ya Down. Vous êtes bien dans le Blues Café Live et restez-y puisque nous sommes ce soir en direct du Millennium de l'île d'Abo et nous recevons le groupe Aurélien Moreau and the Shakers et nous avons autour de nous, autour de cette table, Aurélien Moreau qui est avec nous en début d'émission et nous accueillons également Eric Courrier qui n'est pas facteur comme son nom pourrait l'indiquer mais qui est bassiste. Facteur voilà. De blues, ouais. Facteur du blues. Eric, Aurélien le disait tout à l'heure, il y a une vraie complicité qui s'est créée dans votre groupe, alors qu'au départ, musicalement, ce n'était pas forcément gagné, puisque vous venez d'univers différents. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi, cette création de cet esprit de groupe qui est si cher à tout le monde ? Ben c'est un peu arrivé par hasard, en fait. Moi, j'ai rencontré Aurélien qui cherchait un groupe sur la région Auvergne. Moi, je revenais du sud-ouest, j'arrivais en Auvergne aussi. Voilà, donc on a décidé de faire quelque chose. Très vite, on a tourné des clips pour FR3, tous les deux, avec un autre batteur. Et puis, on s'est dit, bon, on va faire quelque chose. Du coup, on a cherché un batteur, on a trouvé Miguel qui n'était pas du tout blues. Donc, on a commencé à jouer. Qui est aussi très grand. Voilà, ouais, très grand, très fort. Donc, on n'a pas voulu trop l'embêter. Il fait la sécu en même temps dans les concerts. Ouais. Et du coup, oui, bah, il nous a amené une touche un peu pop, funk. Et nous, on lui a enseigné le blues, voilà. On lui a donné tous les morceaux qu'il fallait écouter, qu'il fallait connaître, les styles, etc. Donc, il s'est mis au blues. Et voilà. Et après, Fred est arrivé. Et pareil. Il connaissait, lui, c'était au début, il nous jouait vraiment de jazz. Et on se dit, oula, ça va être dur. Et puis finalement, c'est un vrai musicien. Finalement, faut pas le garder dans un groupe. On s'est retrouvés tous au milieu. Et puis voilà, ça a formé le groupe et le son du groupe, en fait. Ouais. Mais il y a aussi dans les chansons un aspect très mélodique. Voilà. Non, par contre, je suis content que tu aies remarqué ça, d'ailleurs. Parce que c'est quelque chose que je m'efforce de faire. Je tiens beaucoup. Je privilégie vraiment la mélodie. J'aime bien qu'un morceau. Si possible, quand je compose d'ailleurs, que les gens retiennent la mélodie. Alors ça marche ou ça marche pas tout le temps, ça, hein, mais je vais pas être quelqu'un qui va trop faire du technique, dans la guitare si, mais pas 15 000 en place, des mises en place trop compliquées avec la batterie, des choses comme ça. J'ai envie que ça reste assez accessible et assez simple, au niveau de la mélodie en tout cas, ce qui est pas facile à faire d'ailleurs. Puis on essaie surtout de varier pas mal. Parce que le blues, ça peut vite être un petit peu tout le temps pareil. Enfin, sans, je dis pas ça de façon péjorative. On essaie de varier quand même les morceaux pour que ça passe un peu partout. Quoi. Alors, tu disais la musique accessible. En tout cas, elle est votre musique. Tout à l'heure, il y avait deux jeunes filles, pas plus hautes que trois pommes, qui se déhanchaient sur la musique que vous faites. Donc, ça montre que vous êtes accessible. Sur l'album, il y a des compos, il y a aussi des reprises. Et justement, je pense que les gens que vous reprenez, ce sont des gens aussi qui ont ce souci-là de la mélodie. Ouais. Je vois une reprise de Tommy Castro, par exemple. Il y a une reprise de Matt Scofield. Il y a une reprise, on l'a dit tout à l'heure, de Jimi Hendrix, Sab Benoît également, musicien de la Nouvelle-Orléans. Comment ça se passe entre vous, le choix des reprises ? J'imagine qu'il faut trouver un équilibre avec les compos de l'album. Oui, complètement. Alors ça, c'est vrai que pour le choix des morceaux, chacun essaie d'amener différentes idées, quoi. Et puis après, on tranche entre nous, quoi. Vous la jouez collectif. Voilà, exactement. Personne n'impose trop. Vous passez pas au 43. Si j'ai envie de faire un morceau... Non, pas encore. Voilà. Non, mais si j'ai absolument envie de faire un morceau, je ferai. Mais je pars du principe où il faut que chacun s'y retrouve aussi. Et que pour que le groupe perdure, il faut que chacun s'y retrouve aussi, quoi. Aurélien Moreau and the Shakers sont nos invités ce soir. Tu vas rejoindre la scène du Millennium de l'île d'Abo pour deux titres ici en live. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les deux mois pour assister aux enregistrements en public de cette émission et vous nous retrouvez sur le www.bluesactu.com et toute une série de radios partenaires et qu'on remercie d'ailleurs vivement de leur soutien. Aurélien Moreau and the Shakers. Like a child, I don't want to become a man that you like. Winter has been out there working like a fool. You must understand what I said. And then we'll live it happy together. I need my sweetheart to escape me, babe. I need my friend to have no fun. I want to go to the party tonight, yeah. And if you all agree, I don't care, baby. Oh, let me live my life after I'm alone. I don't want you to the crown of the fool. No joy, no fun, no feeling all day. Afraid I was all to be my soul care. Merci beaucoup. Going down. Bottom, bottom, and grow. Nobody's right, and there is wrong. You people speak all day, man. Get a me so behind. Everybody look what's going down. Merci beaucoup. Nous sommes ce soir avec Aurélien Moreau and the Shakers, que l'on retrouvera dans un petit instant dans le Blues Café. Le temps pour nous de faire une petite pause musicale pour vous parler d'un album qui s'appelle Crying For Me, qui n'est pas vraiment un album, mais trois, en fait, que propose la belle Anna Popovitch. L'album s'appelle tout simplement Trilogie et il est annoncé comme un des plus ambitieux projets de sa carrière. Il y a 23 titres au total qui surfent entre différents styles, blues, jazz, funk, tous produits par des producteurs prestigieux. Et il y a également des invités prestigieux. On note Joe Bonamassa, qui est toujours au rendez-vous quand il s'agit d'accompagner une belle jeune fille, hein, quand même, on peut le souligner. Il y a Robert Randolph et l'illustre batteur Bernard Pretty Purdy. C'est un album, je crois, que tu as beaucoup aimé. Également, Francis, et tu es tombé sous le charme de la belle Anna. Moi, j'étais déjà tombé avant l'album, mais c'est vrai que c'est un projet absolument fantastique. Trois albums. Pour le prix d'un, si je puis dire, trilogie qui marque sa carrière, en tout cas. Anna Popovitch, on va l'écouter dans le Blues Café. How many people did I refuse? Hold on, leave behind without an excuse. Who's had a heartbroken, alone and unspoken. Wondering if there's someone out there crying for me. We all got secrets. We all got a past. Things that don't work out when I'm made last. If I was any harm to you, sure didn't mean to be. I wonder if there's someone out there crying for me. I said, Anna Popovitch, une fin étonnante, hein, on s'est presque laissé surprendre. On est ce soir avec Aurélien Moreau, vous écoutez bien le Blues Café Live, votre rendez-vous mensuel avec le blues en live et en public, et avec un public qui est en forme ce soir, non ? Voilà. Et nous sommes avec Aurélien Moreau, donc du groupe Aurélien Moreau and the Shakers. Aurélien Moreau, tu le disais, au niveau de tes influences, elles sont larges. Il n'y a pas que le blues dans la vie. On sait que tu apprécies d'autres styles de musique, notamment la musique salsa. Ouais, par exemple. Non, mais j'aime bien la musique latine, c'est vrai. Ouais, tes origines. Ouais, j'ai des origines espagnoles de mes grands-parents, ouais. Donc peut-être que ça y joue, ouais, sans doute, un petit peu, ouais. Mais j'aime bien, en fait, des fois écouter des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Ça me repose, quoi. Parce qu'inconsciemment, quand on écoute du blues, quand on le joue, en tout cas, on réfléchit, quoi. On peut pas s'empêcher de réfléchir qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là. Enfin, c'est inconscient, mais on est obligé, quoi. Et du coup, d'écouter des trucs complètement différents... J'ai beaucoup de recul avec ça, et du coup je me détends. C'est un point commun que tu partages avec B.B. King, qui écoutait également beaucoup de musique espagnole. Le jour où je m'y mettrais sérieusement, du coup j'écouterais peut-être plus de la même façon. Je préfère le garder comme ça, par plaisir, mais si on peut mettre des fois des petites touches de cette musique là, je trouve que c'est sympa. Et d'ailleurs, en l'occurrence, dans le dernier morceau, il y a un petit passage un peu salsa. Bon, tu sais que dans le Blues Café, Cédric et moi, on a des fiches. Ouais. On met ça sur le coude, on les garde, et puis quand on rencontre les artistes, on sort des trucs invraisemblables parfois. Ouais. Tu parles de tes influences, et nous on a appris aussi que tu en avais d'autres, peut-être plus liées à la variété. Gérald de Palmas et Véronique Sanson. Non, c'est vrai que j'aime bien voir Véronique Sanson. Bon, c'est peut-être plus familial, mes parents aimaient bien Véronique Sanson, mais je trouve que c'est vraiment super bien. Des super influences. Et de Palmas, c'est vrai que j'aime bien parce que c'est... Enfin, je parle plus des premiers albums, et encore, hein, ouais. Même ce qu'il fait maintenant, c'est quand même... Il y a vraiment une base qui est finalement un peu blues, quoi. Alors, je sais pas si vous connaissez les premiers albums. Oui, bien. Ouais, c'est vachement bien, quoi. Et je trouve que le blues en français, c'est très dur à faire pour que ça sonne bien. Enfin, moi, je trouve. Et lui, bon, d'accord, c'est pas du blues, mais il y arrive plutôt pas mal. Donc, je trouve que c'est assez intéressant ce qu'il fait. Alors, pas tout, hein, mais j'aime bien, ouais, j'aime bien. Alors, on va revenir au blues et à cet album Check It Out, ouais. Qu'on pourrait traduire par vérifiez-le, quelque chose comme ça. Tout à fait. Ouais, c'est. Alors, qu'est-ce qu'il y a à vérifier justement ? Allez-y, faut écouter. Ah bon, voilà. En fait, donc c'est un appel à écoute. Il faut l'acheter en fait. Voilà, donc il est là, cet album. premier album. Non, c'est, aussi, c'est écouter ça, quoi. Regardez ça, quoi. C'est un peu ça l'idée de Check It Out. Donc en tout cas, c'est le premier véritable album, parce que précédemment, c'était ce qu'on appelle un EP. Ouais, c'était un EP, 4 titres. Et puis avant, moi, personnellement, j'avais fait pas mal de petites démos, on va dire, hein, mais c'était pas... Et justement, quand on fait un premier album, c'est peut-être le plus difficile, parce qu'on a envie de tout mettre dedans. Ouais. On cherche moins le concept de mettre tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a envie de montrer. C'est un peu le cas ? Oui et non, parce qu'on voulait quand même vraiment prendre les plus variés, quoi, de façon à faire un album éclectique. Et donc du coup, finalement, dans notre répertoire, même si on a beaucoup de morceaux, finalement, ça n'a pas été très compliqué de choisir les bons. Enfin, si mon souvenir est bon, ça a été un peu une évidence, parce que sur 30 morceaux qu'on fait en concert... Bon, il y en a 13 sur le CD, malgré tout, c'est vite fait le choix, on prend les meilleurs, quelque part, et puis, les parce plus... Qu'ils sont les plus... Pas tout, parce qu'ils sont pas tous bons Non. Est-ce que vous commencez à réfléchir au deuxième album ? Ah oui, complètement, ouais. Ouais. Donc là, vous prenez les autres qui étaient moins bons pour le premier. Voilà, exactement. Non, si, on pense au deuxième album, bien sûr. Ouais. Ce sera plus pour 2017, parce qu'il faut le temps de recomposer. On aimerait faire encore plus de compos sur le prochain album. Donc ça prend un peu de temps. Ouais, faut travailler. Puis des fois, malheureusement, les idées viennent pas toujours. Enfin, c'est pas on calcule pas ça. Et bon, faut trouver les bonnes compos et puis le temps de les écrire, quoi. Puis surtout pas bâcler les choses, quoi. Vous en vivez de la musique ? Alors moi, actuellement, on va dire plus ou moins, je donne des cours en plus. Je ne suis pas lancé dans l'intermittence du spectacle, mais j'ai choisi depuis 3 mois là, de donner des cours en plus en auto-entrepreneur. Donc ça commence plutôt pas mal. Donc ce qui peut me permettre de faire ce qu'on fait, par exemple ce soir, quand on a un boulot du lundi au samedi, 9h-19h, c'est pas possible. Donc j'ai trouvé ce moyen-là pour l'instant, en tout cas. Donc j'espère que ça va continuer. Vous jouez aussi de temps en temps avec une section cuivre. Ouais. Donc là, ça fait une très belle formation. Mais qu'est-ce qui change finalement quand on apporte une section cuivre en plus? Plus de bruit, ça c'est vrai. Plus de bruit, plus de musique, voilà, plus de cuivre. Faut que le cachet soit plus important pour les payer. Forcément. Non, non, je plaisante. Non, mais qu'est-ce qui change? Ça apporte quand même une patate et un punch supplémentaire, les cuivres. Enfin, je trouve. Et donc, sur des grosses scènes, quand on peut faire appel à eux, on aime bien, quoi. Ça rajoute quand même et un est-ce truc. Est-ce que du coup, on ne tire pas un peu plus sur des styles, disons, rhythm and blues hein? Non, mais par rapport au son, forcément. Mais vu que finalement, on joue les mêmes, il y a peu de morceaux. Enfin, je veux dire, tous les, c'est des, enfin, les cuivres se rajoutent aux morceaux existants. Il n'y a aucun morceau qu'on fait uniquement avec les cuivres. Donc finalement, ils se collent à nous. Donc ça rajoute un truc sympa, c'est sûr. Mais finalement, la base du groupe, c'est quand même nous quatre là, quoi. Aurélien, on va te retrouver sur la scène du Blues Café pour terminer cette dernière émission de la saison. Donc on compte sur vous pour vraiment mettre le feu, pour terminer en beauté cette belle saison du Blues Café. On en profite d'ailleurs le temps que vous rejoignez la scène pour remercier toutes les personnes qui permettent à ce projet d'exister. Et on va vous demander de les applaudir. Il y a toute l'équipe technique ici. Il y a Laurent, il y a Ludo, il y a Sébastien, il y a Gilles. Il y a Laure également du service culturel de la ville de l'île d'Abo. Il y a Thibaut et Vincent qui nous ont accompagnés durant toute cette saison et grâce à qui vous retrouvez les vidéos. Il y a également, il faut le signaler, Bernard Potet qui est également correspondant du Dauphiné Libéré, voilà, et également photographe et qui nous suit avec beaucoup de fidélité. Et c'est grâce à vous tous qu'on est ici ce soir. Aurélien Moreau and the Shakers, ils sont sur la scène du Blues Café. Cost and power. You sleep all day and hold now your home. You did observing, you know that inside. And I don't know. You cry the light. While you were sleeping late last night, you saw your dream. I wake up tight. His name slipped down. No, that in time. I don't know. You cry the line. Thank you. can't compete with our dream in your head. And then at night I will shed a shout, not alone. You cross the line, you cross the line, Merci beaucoup, ce morceau s'appelait Cross the Line et il se trouve dans notre premier album. public. Un grand merci à Francis Strato et Cédric Verlaine de m'avoir invité. Vraiment très sympa. Je vous présente une dernière fois le musicien Eric Coé à la basse, s'il vous plaît. Miguel Parra à la batterie. Frédéric Califé au clavier. Moi je m'appelle Aurélien Moreau. Merci beaucoup. Voilà, c'était ce soir le Blues Café Live de Aurélien Moreau and the Shakers. C'était également la dernière émission de l'année, Francis, de la saison. On se retrouvera en septembre, la première session du Blues Café. Tout bronzé de... Tu seras tout bronzé? Bah, évidemment, évidemment. Profitez de l'été pour aller voir de la musique live et du spectacle vivant. Il y a des festivals un petit peu de partout en France, profitez-en. Et nous, on vous remercie pour votre fidélité et on vous dit à très bientôt sur le www.bluesactu.com. On râle la scène à Aurélien Moreau and the Shakers pour un dernier titre sous les applaudissements endiablés du public du Millennium. A bientôt, ciao, ciao. Assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et renseignements sur bluesactu.com et sur jazzradio.fr.